Selon des informations, les professeurs du comité des mesures spéciales relevant du conseil des professeurs de l'université d'Ihua pour filles ont tenu le 19 juin un meeting à l'université pour demander l'éclaircissement des vices et corruptions de l'université liées avec les autorités sud-coréennes. S'y sont joints plus de 5000 personnes, y compris les étudiantes qui livraient depuis plus de 80 jours le sitting dans le bâtiment principal pour demander la démission du recteur.